France Inter. Frédéric Sigrist est un connaisseur de votre travail, chère oui, Florence. Oui, tout à fait. Bonjour Florence Dupré et Latour. Alors, après Cruelle, puis Pucelle, vous êtes de retour avec Jumelles. Alors, je vous remercie pas. On a passé la semaine à expliquer à Alex Vizorek que c'était pas des catégories Pornhub. je ne vous cacherai pas, Florence, que quand on m'a demandé de faire une chronique d'une bande dessinée intitulée Jumelles par Florence Dupré Latour, j'ai tout de suite dit « Il n'est pas disponible, Pasturo, parce que ça doit être son truc, les BD de droite. » Ouais, je sais, c'est pas bien, mais faut comprendre. BD, Jumelles, Famille Cato. Moi, direct, j'ai pensé au triplé du Figaro Magazine de Nicole Lambert. Je me suis dit « Oh putain, on va se taper du Col Claudine, de la Manif pour tous, et en plus, Charine va faire une drôle de tête. » Quand elle va devoir faire la promotion de Vaincre et Mourir, le film produit par le Puy du Fou. C'est en train de changer, France Inter d'une force. Et puis j'ai lu vos ouvrages, et là, surprise, rien à voir du tout. Je m'attendais à Nadine de Rothschild, j'ai eu l'enfance dessinée par Douli, si elle savait dessiner. Alors graphiquement, on est dans un univers faussement enfantin, où les personnages sont un croisement entre Dragon Ball, Les Simpsons, Adventure Time pour les connaisseurs. Mais faut pas s'y tromper, Florence. Vous avez grandi avec Ken le Survivant, les jeux de rôle, le cinéma fantastique. Vous êtes une geek, et ça se sent. Mais totalement. Il y a des moments dans vos BD, on est chez les petits poneys, et soudain, la case d'après, on est dans Carrie de Brian De Palma, mais en une case. Hein. Et ce côté Virginie Despentes caché dans une fraise Tagada, c'est tout l'intérêt de Jumelles. Cruelle, Pucelle et Jumelles, c'est tout simplement le journal intime, sans filtre, d'une femme au XXIe siècle. Alors attention, une femme qui a une sœur jumelle, Bénédicte, avec laquelle vous aviez une relation fusionnelle, vous l'avez dit, jusqu'à une partie de vie fatidique où votre sœur a décidé de s'émanciper de vous. Trauma matriciel, Bénédicte s'est autorisée à vivre autre chose que vous, Florence. Et cette quête d'autorisation faite à soi-même, j'ai le sentiment que c'est le cœur de tous vos ouvrages. On n'imagine pas, nous, ce que c'est d'avoir un jumeau ou une jumelle, un autre soi qui, soudain, décide de vivre autre chose que vous. Dans un film, quand devant un miroir, un personnage a un reflet qui lui tourne le dos, je veux pas dire, mais en général, c'est qu'on est dans un film d'horreur. Ouais. Vous voyez cette scène dans Us de Jordan Peele ou Black Swan d'Aronofsky, c'est la même chose. Ces films sur le multiverse et les réalités parallèles comme Everything, Everywhere, All at Once, Sliders, Doctor Strange 2, où les protagonistes rencontrent d'autres versions d'eux-mêmes qui ont fait d'autres choix. Eh bien, nous, on appelle ça de la science-fiction. Vous, Florence, c'est votre vie avec votre sœur. D'autant que vous avez grandi dans une famille croyante et pratiquante. Alors, l'idée de foi religieuse, ça va pas beaucoup parler aux gens autour de cette table, parce qu'ici, ils sont tous végétariens, sauf quand il s'agit de bouffer du curé, du rabbin ou de l'imam. Ah, Fromet, il a beau avoir le physique de Tintin et la voix de Miu Miu, devant des religieux, il se transforme en tout pack de la laïcité. Le gars, il s'est fâché avec des religions, ils étaient que deux. Mais moi, Florence, comme dans Pucelle, je sais ce que c'est d'avoir grandi dans un milieu religieux très présent parce que j'ai été mormon de 15 à 21 ans. J'ai eu la foi, et puis je l'ai perdue parce que je suis quelqu'un de distrait. Et pas de sexe avant le mariage, pas de café, pas d'alcool. C'est-à-dire que tu peux même pas picoler pour oublier que tu baisses pas, quoi. À l'église tous les dimanches et études des écritures tous les mercredis, eux, ils savent pas ce que c'est de vivre en imaginant que Dieu observe tout le temps tous vos faits et gestes. Moi, je sais. Vous avez déjà travaillé dans un centre d'appel avec un manager qui flique tout ce que tu fais. Eh ben, Dieu, c'était l'effet que ça me faisait. Comme dans Pucelle, moi aussi, au moindre soubresaut de ma sexualité, à la moindre érection, je voyais Jésus. Mais oui. Un Jésus déçu. Déçu qu'il était, Jésus. À l'adolescence, c'était plus un sexe que j'avais, c'était une antenne relais connectée à Dieu. Vous imaginez pas à quel point ça te vrit ton rapport au corps d'avoir à expliquer chaque dimanche à un curé ou à un évêque de 50 ans que tu connais pratiquement pas que tu t'es tiré sur la nouille 9 à 12 fois. Cette semaine, mon fils... Non, depuis ce matin. Je veux dire, déjà qu'être une femme, c'est une assignation permanente à un certain type de rôle. Et me dites pas que ça a changé en 2023. J'ai une petite fille, l'époux, c'est pas le pire truc qu'une petite fille peut ramener de l'école. Hein. Si à ça, la religion s'en mêle, vous comprenez pourquoi le foyer s'appelle aussi la cellule familiale. Vos bandes dessinées, Florence, c'est l'histoire d'une évasion. Une évasion de femmes. Et après Cruelle, Pucelle et Jumelles, j'espère très sincèrement qu'avec le succès, vous vous êtes fait la belle. Ouais. Bravo, hein. Bravo, Frédéric Sigrist. Il a lu en... Il y a une connexion qui s'est faite. Ah mais en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, votre travail était connu par ma compagne avant que je le découvre. Et quand elle a su que j'allais faire une chronique, elle rigolait toute seule parce qu'elle me dit, vous allez voir, vous avez à peu ou prou la même existence. Ah, et effectivement, j'arrêtais pas de dire, et j'ai... Wow, c'est énorme.